الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، chers auditeurs, nous continuons ensemble la lecture et l'étude de hadith au sujet de la croyance et du suivi, réunis par l'éminent Cheikh Rabi' ibn Hadi Umair al-Madkhali حفظه الله تعالى dans son livre intitulé مذكرة الحديث النبوي في العقيدة والاتباع. Nous en sommes aujourd'hui au 11e hadith mentionné par l'auteur حفظه الله تعالى dans ce livre, qui est un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé de trois choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée de nous et de trois autres qu'il réprouve. Il a dit عن أبي هريرة رضي الله عنه. D'après Abu Huraira, qu'Allah l'agré, Abu Huraira, ce noble compagnon, qui est حافظ الصحابة, le grand mémorisateur parmi les compagnons, et ce en raison du grand nombre de hadiths qu'il a rapporté du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Les gens de science ont divergé concernant son nom, et certains ont dit qu'il s'appelait عبد الرحمن ibn Sakhr. Il est mort en l'an 59 de l'Hégire, radiyallahu anhu. Il dit donc, « Anna Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam aqal » Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Inna Allaha yarla lakum thalathan wa yaskhatu lakum thalathan » Allah agrée de vous trois choses et il en réprouve trois autres. « Yarla lakum an ta'buduh » وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Il agrée pour vous que vous l'adoriez et que vous ne lui donniez aucun associé, que vous vous éloigniez de toute forme de shirk, de toute forme de polythéisme dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est la chose la plus importante de notre religion. Comme on l'a vu dans les hadiths précédents, c'est la raison et l'objectif et la sagesse de la création des djinns et des hommes. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent, que pour qu'ils me vouent un culte exclusif dans l'adoration. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam commence par nous mentionner cela, et ceci nous montre une fois de plus que ceci est le point le plus important et la question la plus immense de notre religion. C'est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, le droit d'Allah sur ses serviteurs. C'est l'obligation la plus importante de notre religion, de lui vouer un culte exclusif et de ne lui donner aucun associé. Que l'adoration tout entière ne soit vouée qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les paroles et les actes apparents ou cachés. Et il est à souligner que tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné, que ce soit à titre d'obligation ou de recommandation, alors ceci est une adoration et la vouer à autre qu'Allah relève du polythéisme. Le polythéisme qui est le plus grave des péchés. Et entre dans cela l'invocation d'autre qu'Allah, l'imploration de l'aide ou du secours d'autre qu'Allah, le sacrifice pour autre qu'Allah, le vœu pour autre qu'Allah, la peur, l'espoir, la confiance en autre qu'Allah. Toutes ces adorations ne doivent être vouées qu'à Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans associé. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'agrée pas qu'on lui donne quelque associé dans l'adoration, pas même un prophète envoyé ou un ange rapproché. Ensuite il dit, mentionnant la deuxième chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée pour nous, وَأَن تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا Et que vous vous cramponniez tous ensemble au câble d'Allah et que vous ne vous divisiez pas. Qu'est-ce que le câble d'Allah? Le câble d'Allah, c'est tout ce avec quoi est venu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et entre dans cela le Coran et la Sunna. Donc il nous est ordonné de nous cramponner au livre d'Allah et à la Sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et à l'ensemble des enseignements du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit dans le domaine de la croyance, de l'adoration, du comportement, de la conduite ou des échanges avec les gens. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا Cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah, et ne soyez pas divisés. C'est cela l'union qui est attendue de nous en religion. Ce n'est pas de nous unir alors que nous sommes sur des voies distinctes et différentes. Ce n'est pas de nous unir alors que nous divergeons dans la croyance. Ce n'est pas de nous unir alors que nous divergeons sur les fondements de la religion. Cette union-là, même si elle peut avoir lieu un temps donné, c'est une union qui est vouée à l'échec. Car c'est une union de personnes qui sont en réalité divisées. تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى. Tu les penses tous ensemble unis, mais leurs cœurs sont divisés. Leurs cœurs sont divergents. Chacun a une croyance, chacun a une voix. Et telle est la situation, notamment, de cette secte égarée des frères musulmans, qui ont pour fondement de s'unir sur ce quoi ils sont d'accord. Ce sont des points qui sont les fondements de cette secte, sur lesquels ils s'unissent, et de s'excuser les uns les autres sur leurs divergences. Et c'est pour cela que tu trouves au sein de cette secte le Ash'ari, le Maturidi, le Mu'tazili, le Chiite, et autres parmi les gens déviants. Ils sont tous unis sur certains fondements, et tous unis contre les gens de la Sunna, qui sont les gens de la vérité. Mais en réalité, ils sont divisés, ils n'ont pas les mêmes croyances, ils n'ont pas les mêmes références, et ainsi de suite. Donc la vraie union, et celle qui nous est demandée, celle qui est attendue de nous, c'est que l'on prenne pour juge et pour arbitre le livre d'Allah et la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Que l'on se soumette pleinement et que l'on se conforme totalement à ce avec quoi est venu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans l'ensemble de nos affaires, aussi petites soient-elles. Et que l'on s'écarte de toute innovation et toute chose nouvelle en religion. Et de toute transgression des ordres du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est par cela que les musulmans seront unis, qu'ils trouveront force et unité en se cramponnant au câble d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que les ennemis de cette religion font de grands efforts pour nous diviser. Et il ne fait aucun doute qu'il y a aujourd'hui, parmi les gens qui s'affilient à cette religion, des personnes qui ne sont que des infiltrés pour propager les troubles, les discordes et les dissensions au sein des rangs des musulmans. Donc prenez garde à cela, barakallahu fikum. Et faites attention à ne pas prendre votre religion de la première personne qui se met en avant sur les réseaux sociaux. Mais veillez à ne prendre que des gens dignes de confiance parmi les gens de la sunna, ceux en qui vous avez confiance concernant leur science et leur religiosité. Ensuite, la troisième chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans ce hadith faisant partie des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée de nous, et sa parole wa antunasihu man wallahu Allahu amrakum, et que vous fassiez preuve de loyauté à l'égard de celui à qui Allah a confié l'autorité parmi vous. Le fait d'être loyal envers les dirigeants des musulmans, et cette loyauté consiste à ne pas les dénigrer publiquement, à ne pas propager ce qui concerne leurs défauts, leurs erreurs et leurs manquements, à ne pas les dénigrer, à ne pas chercher à les rabaisser ou à mettre le doigt sur certains de leurs manquements ou leurs éventuelles erreurs. Ce n'est pas cela la voie agréée d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée de nous, c'est que l'on fasse preuve de loyauté envers eux, que l'on s'entraide avec eux dans le bien pour le bien de notre communauté, qu'on leur obéisse dans le convenable. Et si quelqu'un constate une erreur ou un manquement, alors le conseil doit être adressé au gouverneur secrètement, et ce en privé, et non pas publiquement sur les réseaux sociaux, et non pas du haut du minbar dans les mosquées, et non pas dans les journaux ou dans les télévisions ou les vidéos YouTube ou je ne sais quoi. Non, ce n'est pas comme cela que les gouverneurs sont conseillés. Car ceci mène au trouble et à la dissension. Ceci mène les peuples à se révolter contre eux. Et ceci mène à de nombreux méfaits comme on a pu l'observer à notre époque à travers les révolutions qui ont eu lieu et qui ont répandu les troubles et l'instabilité dans de nombreux pays. Wallahu al-musta'an. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné les trois choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala réprouve. Et il a dit وَيَسْخَطُ لَكُمْ ثَلَاثًا, et il réprouve de vous trois choses. قِلْ وَقَالْ, وكثرة السؤال وإضاعة المال. لأون دي le fait d'adresser beaucoup de demandes ou de poser beaucoup de questions est le gaspillage de l'argent. Il est donc interdit aux musulmans de s'adonner aux ondits et aux rumeurs, de conjecturer sur le faux, de propager toute information qui lui parvient sans s'assurer de savoir si celle-ci est véridique ou si elle est fausse ou mensongère, de propager la turpitude parmi les musulmans, de diffuser des rumeurs au sujet de la communauté, au sujet des musulmans, au sujet des gouverneurs, au sujet des prédicateurs ou autres. Et il suffit à l'homme comme mensonge de rapporter tout ce qu'il entend. Et comme ce péché est devenu banal aujourd'hui, que l'homme rapporte tout ce qu'il entend. Il reçoit, il lit, il transfère. Il reçoit, il lit, il republie, il retweete, il partage, il diffuse sur les différents réseaux, sans même s'assurer de savoir si ce qu'il a reçu est une parole fausse ou véridique. Et ceci lui suffit comme mensonge. Pourquoi ? Car celui qui ne vérifie pas ce qu'il transmet, qui rapporte tout ce qu'on lui dit et qui transmet toutes les informations qu'il reçoit, inévitablement il transmettra et il rapportera des paroles fausses. Il tombera ainsi dans le mensonge. Donc le musulman, il doit veiller à faire le tri et sélectionner ce qui est juste parmi ce qu'il reçoit. Et si tu reçois une information dont tu doutes de la véracité ou au sujet de laquelle tu n'as aucun élément te permettant d'affirmer que cela est vrai, d'autant plus aujourd'hui on a vu ce qu'il est possible de faire avec les moyens modernes, avec l'intelligence artificielle, imiter des voix, faire des montages vidéo et ainsi de suite. Ceci est devenu une chose banale, une chose très simple et accessible. Donc à partir du moment où tu n'es pas capable de vérifier la source de l'information que tu reçois, délaisse-la. Tu ne vas rien perdre à ne pas transmettre ce que tu as reçu ou à ne pas rapporter ce que tu as entendu. Tu ne vas rien perdre. Par contre, tu vas perdre si tu transfères le mensonge. Car tu porteras le péché de tous ceux qui vont le transférer après toi. Donc il ne faut pas prendre cette chose à la légère et penser que c'est une chose anodine. Sous prétexte que c'est facile, copier-coller, ou je clique sur la flèche pour transférer, et je pense que je n'ai pas de péché. Non, tu es responsable de ce que tu transfères. Ceci est inscrit dans le registre de tes œuvres. La deuxième chose qu'Allah n'agrée pas de nous et qu'il réprouve, c'est kathrat as-su'al, le fait d'adresser de nombreuses demandes ou de poser beaucoup de questions. Ceci sont les deux sens qui ont été donnés à ce hadith. Premièrement, le fait de beaucoup solliciter les gens, de solliciter leur argent, ou de solliciter de leur personne. Ceci ne convient pas aux musulmans. Le musulman qui souhaite être anobli, et qui recherche à s'élever auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il se passe de ce qu'il y a dans les mains des gens. Et la base est qu'il n'est pas permis de solliciter les gens, si ce n'est en cas de nécessité. Aujourd'hui, c'est devenu une banalité d'organiser des cagnottes. Et combien sont les cagnottes que l'on voit partagées à travers les réseaux sociaux? Bien souvent pour des causes qui ne sont même pas légitimes. Et parfois pour des causes qui paraissent légitimes, mais qui sont en réalité de la mendicité déguisée. À l'exemple de ces personnes qui organisent des cagnottes pour des projets présentés comme des projets de bien, et qui en réalité ne font que vendre leurs produits ou faire du commerce ou profiter ainsi de la générosité des musulmans en récoltant des sommes bien plus grandes que celles nécessaires pour mettre à bien ce projet, wallah al-musta'an. Et les exemples à ce sujet sont nombreux. Et le shaykh, hafidhahullah ta'ala, nous dit ici que le fait de solliciter les créatures sans nécessité contient trois méfaits. Le premier est le fait de manifester une forme d'indigence à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est une chose qui peut relever du shirk, qui peut relever du polythéisme. La personne oublie Allah et s'adresse aux créatures. Elle ne sollicite que les créatures. Et il se peut même qu'elle ne pense pouvoir s'en sortir qu'avec l'aide des créatures, en oubliant le Créateur. Et ceci est une forme de polythéisme mineur. Et parmi les signes de cela, le fait que la personne, par exemple, dise « Je ne pourrai rien faire sans votre aide » ou « Si on ne m'aide pas, si vous ne m'aidez pas » ou « Si un tel ne m'aide pas, je vais mourir, je ne vais pas m'en sortir » ou autre chose semblable. Comme si elle dépendait de cette créature, oubliant que la subsistance tout entière ne vient que d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Le deuxième méfait qu'il y a dans le fait de solliciter les créatures sans nécessité, c'est que cela est pour eux une nuisance. En effet, celui qui est sollicité se verra mal à l'aise et gêné face aux nombreuses sollicitations si celles-ci se répètent. Et ceci est une forme d'injustice envers ces personnes. Et pire encore, si ceci est fait de non-droit. Et le troisième méfait est que ceci est une forme de rabaissement pour autre qu'Allah. Car la personne qui demande, elle se rabaisse. Et ceci est une injustice envers sa propre personne, Wallahu al-musta'an. Et tout ceci concerne le fait de solliciter une personne vivante et capable de nous accorder ce qu'on lui demande. Mais si cette demande est adressée à un mort ou à un absent qui ne peut pas accomplir ce qu'on lui demande au sujet d'une chose dont seul Allah subhanahu wa ta'ala est capable, alors ceci relève du polythéisme majeur, wal'iyadu billah. La deuxième explication qui a été donnée à cette chose qui est réprouvée par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le fait de poser beaucoup de questions. Comme en posant des questions religieuses au sujet de choses qui ne sont pas encore arrivées, ou de choses imaginaires, ou de choses improbables. Tout cela est blâmable. Mais lorsque le musulman pose une question, il pose une question au sujet d'une chose qui lui profite, au sujet d'une chose qui va l'aider à se rapprocher davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala, au sujet d'une chose dont il a besoin de la réponse pour adorer son Seigneur comme il se doit, au sujet d'une chose dont il a besoin pour accroître ses connaissances, et au sujet d'une chose qui le concerne. Il ne va pas poser des questions au sujet de choses qui ne le concernent pas, au sujet de choses qui ne se sont pas produites, au sujet de choses qui sont improbables, ou au sujet de choses qui, s'il les ignore, ceci ne lui sera d'aucun préjudice. Et s'il les sait, cela ne lui sera d'aucun profit. Et c'est cela qui est visé par cette interdiction. Wallahu ta'ala a'lam. Enfin, la dernière chose mentionnée dans ce hadith, et qui fait partie des trois choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala réprouve de ses serviteurs, c'est le gaspillage de l'argent. L'argent, c'est un des bienfaits parmi les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par cet argent, tu peux t'aider à l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu peux lutter sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu peux faire des aumônes et aider les nécessiteux et les gens dans le besoin parmi les musulmans, parmi tes proches ou autres. Par cet argent, tu peux diffuser la science. Par cet argent, tu peux acheter ce qui te permettra d'apprendre et de t'instruire en religion. Par cet argent, tu pourras t'acquitter de tes obligations envers les gens, tous ceux qui sont à ta charge, parmi les épouses et les enfants. Donc ceci est un bienfait immense pour lequel le musulman se doit de faire preuve de reconnaissance envers son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Et il fait partie de la reconnaissance de préserver cet argent et de ne pas le gaspiller en le dépensant dans des choses qui lui feront encourir la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais cet argent, il ne doit être dépensé que dans une chose légiférée, dans une chose qui te permet d'atteindre l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou alors dans une chose parmi les choses qui te sont permises parmi les délices de ce bas monde. Et tu dois prendre garde à ne pas le dépenser sur la voie du diable pour l'accomplissement des péchés et des mauvaises actions. Et de la même manière, tu dois prendre garde à ne pas l'exposer à la perte. Donc, on tire de ce hadith différents bénéfices. Premièrement, l'obligation de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, en lui vouant l'ensemble de nos adorations. Et ce sujet est un sujet que l'on a abordé dans plusieurs hadiths depuis le commencement de l'étude de cet ouvrage. Et ce car, c'est la base de la religion. C'est le fondement le plus important de l'islam. C'est pour cela qu'il est nécessaire de le répéter sans cesse, afin que l'on comprenne l'importance de l'apprendre, de le comprendre et, surtout, de le mettre en pratique. Le deuxième bénéfice que l'on tire de ce hadith, et qui est lié au premier, c'est l'obligation de s'écarter de toute forme de polythéisme majeur ou mineur. Le shirk est le plus grave des péchés. Celui qui meurt sur le shirk, il ne sera pas pardonné. Celui qui meurt sur le shirk, le paradis lui sera interdit. Si tu sais cela, alors tu te dois de t'instruire afin de savoir qu'est-ce que le shirk, afin de pouvoir t'en écarter. Le troisième bénéfice est l'obligation de se cramponner au câble d'Allah, qui est l'islam dans son intégralité. Tout ce avec quoi est venu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, le Coran et la Sunna, selon la voie des pieux prédécesseurs de la communauté, et ce, dans l'ensemble de nos affaires. Que ce soit concernant la croyance, concernant la jurisprudence, concernant les adorations, concernant le comportement, la conduite, la méthodologie, concernant les relations avec les gens. En toute chose, on se doit de revenir au Coran et à la Sunna, selon la compréhension des pieux prédécesseurs de la communauté, rahimahumullah ta'ala. Et c'est cela l'unité qui est attendue de nous. C'est cela l'union qui est recherchée. L'union sur la vérité, l'union sur le livre d'Allah et sur la Sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Le quatrième bénéfice, c'est l'interdiction de la division et l'obligation pour les musulmans d'être unis sur la vérité. Et la divergence et la division sont un mal. Ce ne sont pas une miséricorde. Mais il est demandé aux musulmans d'être unis. Mais cette union, comme on a dit, elle ne doit être que sur la vérité et non pas sur le faux et l'égarement. Cinquièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith l'obligation d'être loyal envers les détenteurs de l'autorité parmi les musulmans et de s'entraider avec eux sur le bien et sur la piété. Et ne pas les dénigrer, ne pas les réprimander publiquement, ne pas diffuser leurs défauts, ne pas propager des choses mauvaises à leur sujet car ceci s'oppose à la loyauté. Sixièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith l'interdiction de ces trois choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala réprouve de ses serviteurs qui sont les ondits, le fait de se préoccuper des rumeurs et des ragots répandus parmi les gens, l'interdiction de solliciter les créatures si ce n'est en cas de nécessité, et il ne fait aucun doute que le mieux est de s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala et de patienter, et l'interdiction de gaspiller les biens et les richesses qui sont un bienfait parmi les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui et on verra le prochain hadith dans le cours suivant, inshallah ta'ala. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum.